Maganjambe, maganjambi njambi ye mabunja mago pindi mi mapepa ye. Mabunja mago pindi ye. Mabunja mago pindi maganjambe njambi ye. Mabunja mago pindi maganjambe njambi ye. Mabunja mago pindi mi mapepa. Maganjambe, maganjambi njambi ye mabunja mago pindi mi mapepa. Maganjambe, maganjambi njambi ye mabunja mago pindi mi mapepa. Ipenda, ipenda, onyimani mani eguda, otombono zati monyenge. Ipenda, ependa onyimani mani eguda otombono zati monyenge ipenda ipenda onyimani mani eguda otombono zati monyenge yao ependa ipenda onyimani mani eguda otombono zati monyenge openda onyimani mani eguda otombono zati monyenge openda onyimani mani eguda otombono zati monyenge tata nzambe nzambe nzambe mobongo angalie mokadikadie mobongo angadie mokadikadie mobongo angadie mokatandambe genuwe mobongo angadie mokatandambe nzambe nzambe mobongo angadie mokatandambe nzambe nzambe mobongo angadie mokadikadie mobongo angadie mokanijonga nameka mobongo angadie mokayata mogombo mobongo angadie mokotata nzambe nzambe nzambe mobongo angadie mokotata nzambe nzambe nzambe mobongo angadie mokanjambe na genungwe mobongo angadie mokotata nzambe mobongo angadie mokotata nzambe nzambe nzambe mobongo angadie mokotata nzambe nzambe nzambe mobongo angadie mokadikadie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été un peu patients et j'avoue que je ne sais pas ce qui arrive. Bon, le live que nous avions prévu ce soir a été renvoyé, vous le saviez très bien. Maintenant, le petit live que j'ai voulu faire ce soir pour vous faire un cadeau de fin d'année, vous donner une protection, une haute protection, c'est une technique de haute protection. Vous verrez que les éléments qu'on va vous demander, bon, peut-être le troisième élément va être difficile d'avoir au Gabon. Parce que le Gabon n'est pas un pays volcanique. Il n'y a pas le volcan, il n'y a pas eu de volcan à côté. Mais toujours est-il que même seulement avec les deux autres, vous allez faire des merveilles avec, même pour les protections talismaniques. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je fabrique des talismans à base de certains éléments. Un talisman, c'est simplement un porte-bonheur ou bien un réceptacle dans lequel on a fait des charges. Donc, tout de suite, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et en m'adressant d'abord à vous et vous adressant tout justement mes excuses du retard, parce qu'il était prévu qu'on commençait à 23 heures. Mais ce téléphone-ci, c'est un nouveau téléphone. C'est le Samsung Galaxy Note S20, S20. Même pour avoir accès à mon propre compte, j'étais obligé de me palabrer même avec mon administratrice. Je pensais que c'était de sa faute, c'était tout un palabre, en fait, toute une gymnastique. Mais j'ai dû tricher pour avoir accès à mon propre compte. C'est vrai que parce qu'en ce moment, elle a accès à ça, elle est en train de faire certains travaux là-dedans. Donc, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez bien me suivre. Confirmez-moi bien que vous me suivez très bien, pas à l'envers, s'il vous plaît. Que quelqu'un me confirme que vous me suivez très bien, que vous ne me suivez pas à l'envers. Je vous en prie. Je veux quelqu'un qui me le signale tout de suite avant que je rentre dans le, avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous me suivez très bien. Parce que j'ai positionné le téléphone sous une autre position. Est-ce que vous pouvez bien me suivre? C'est bon. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je peux commencer tout de suite. Naturellement, vous pouvez poser des questions, hein, rassurez-vous. Et je profiterai également de venir répondre à certaines questions que j'ai lues dans mon compte privé, dans Tatan Zambé, sur ma page. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sur ma page Facebook, Tetan Zambé, le Tout-Puissant Kana, il y a des questions qui ont été posées là-dedans, donc je me ferai le plaisir de répondre à ces questions en live tout de suite. Et également, si vous avez des questions en rapport avec des histoires de sorcellerie ou des possessions, des trucs comme ça. Bon, donc j'ai promis, hein, je ne veux pas trop parler, j'ai promis vous exposer trois éléments. Il y a deux éléments qui sont très bien connus de tous les Africains. Ben, premier élément, c'est celui-ci. Vous le connaissez. Ça, c'est ce qu'on appelle. On l'appelle comment? Pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est biologique. En anglais, on dit organic. J'aimerais que vous puissiez bien vous confirmer, si vous voyez bien ça. D'accord? OK, merci. Tout le monde est tombé d'accord que ça, c'est l'ail. C'est bien l'ail. Et vous connaissez, c'est le contenu. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y aura une restriction parce que c'est plutôt, j'exige que ce soit rouge. Bon, pardonnez-moi parce que j'avais déjà fait couper une partie pour la cuisine. Il s'agit de l'ail qui est rouge. Ça également, vous voyez le signe, c'est en anglais, c'est également biologique. Parce que moi, je ne vais qu'acheter des choses dans des boutiques où on vend tout ce qui est naturel. Donc ça, c'est organique. Organique en anglais. Oui, c'est écrit ici, organic red onion. Donc, oignon biologique. D'accord? Il vous faut de l'oignon biologique. Il vous faut également de l'ail biologique. Maintenant, si vous n'avez pas l'ail rouge, vous pouvez utiliser celui-ci. Je vous l'ai dit, si vous n'avez pas l'oignon rouge, vous pouvez utiliser celui-ci. D'accord? Voilà l'oignon. D'accord? Vous pouvez l'utiliser. À défaut du rouge, hein, parce que c'est que le rouge, c'est rare à l'avoir. Bien. Maintenant, le troisième élément. Le troisième élément, voilà, c'est son. Oh là là, vous n'allez pas bien les voir. Bon, je les expose. Voilà, ce sont des cailloux. Ce sont des roches. D'accord? Normalement, c'est à cause de votre écran. Celles-ci, elles sont marron-rouge. Ce sont des roches. OK? Vous entendez le bruit? Voilà. Ce sont des roches. D'accord? Elles sont toutes petites. Et voici. C'est de là où j'ai pris ces roches. C'est dans ce paquet-là. Et vous voyez comment c'est écrit? C'est écrit comment? Volcanic rock. Volcanic rock. Ça veut dire roche volcanique. Roche volcanique veut dire quoi? Vous voyez le contenu, c'est ça. Roche volcanique veut dire ce sont des roches qui ont été retirées ou extraites auprès d'une zone où il y a eu ce qu'on appelle les volcans. Donc, roche volcanique veut dire tout simplement, c'est des pierres qui proviennent du volcan. Vous connaissez ce que c'est le volcan? Bon, moi, les miennes, je les ai reçues de l'État de la Hawaï. Hawaï. L'État de la Hawaï, pour ceux qui ne le savent pas, Hawaï State, c'est le dernier État qui a complété le nombre 50 parmi les 50 États. C'est un état où, jusqu'alors je vous parle, il y a toujours plein de volcans là-bas. Il y a des coulées magmatiques. Et vous savez, quand l'univers a été créé, je l'explique dans mes enseignements, que à cause de l'accumulation des énergies de Tetamwanga, l'être suprême créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il a accumulé ces énergies, s'est concentré à un point donné du centre de la terre. Donc la concentration de la somme de toutes ces énergies ont, à un moment donné, créé ce que les astrophysiciens appellent le fameux Big Bang universel. Les scientifiques ne sont pas fous. De ce Big Bang universel, il y a eu donc une explosion assez importante, énergétique. Et toutes ces énergies, donc, se sont manifestées sous forme de feu, sous forme de volcans à gauche et à droite. Et il a fallu un temps pour que ce volcan-là se calme pour former du calcaire, pour former la terre, le cratère et tout et tout et tout. Voilà pourquoi les pays qui ont subi cela en retard, il y a de cela des millions d'années, il y en a certains au niveau de l'Afrique, je crois dans la zone du Kilimandjaro quelque part, il y a d'autres dans certaines îles isolées où vous verrez toujours le volcan, vous verrez le feu qui sort comme ça. Mais en fait, c'était la résultante de la grande explosion du Big Bang, de la création. Maintenant, cette coulée magmatique crée des roches, crée des cailloux. Et c'est ça. C'est pour ça que vous voyez que c'est rouge. Non, mais c'est parce que l'écran, je ne sais pas comment vous voyez ça. Voilà pourquoi vous voyez que c'est rouge. Donc, ce caillou-ci, ou cette roche volcanique, provient justement de la décharge magmatique. Donc, des magmas, la coulée magmatique, vous avez appris ça en étude de roche sur l'archéologie, voyez-vous? Donc, c'est ça là. Je ne vais pas en dire plus, il fallait que je vous informe l'origine de cette pierre. Et vous l'avez bien vu sur l'écran, c'est bien écrit. Hein? C'est bien écrit. Volcanic rock, c'est en anglais. Ça veut dire simplement, en français, ça veut dire roche volcanique. Alors, cette roche volcanique, hey, Tetamwanga, même le sorcier le plus puissant du monde, il ne pourra pas vous atteindre tant que vous travaillez avec cette roche-là. Voyez-vous? Donc, dans les sciences occultes, nous utilisons ça. Avec ça, vous pouvez faire des protections. Avec ça, si vous voulez que papa là-bas soit toujours solide. Avec ça, si vous voulez que vous en débarrassez des sorciers qui veulent vous attaquer. Avec ça, vous pouvez même utiliser beaucoup de vertus. Mais aujourd'hui, je vais plutôt aller droit dans le but pour vous parler, en fait. Cette protection spéciale que vous pouvez faire chez vous. Bien. Comment on fabrique un talisman? Un talisman, pardonnez-moi, je suis en train de chercher un tissu, si je peux en trouver un là. D'accord. Est-ce qu'il y a des tissus ici? Bon, la plupart des tissus, je ne vais pas vous montrer le coin de mon temple. Il y en a tellement de demandes de clients, tout est déjà, chaque client a son truc, tout est emballé. Bon, ce n'est pas grave. Je vais prendre quelque chose de simple qui ressemble à un tissu. Voici un tissu. OK? Ce tissu est là. Et généralement, quand nous faisons nos talismans, c'est-à-dire les porte-bonheur ou des portes de pouvoir, les réceptacles de pouvoir, un réceptacle de pouvoir veut dire que il y a des éléments que nous associons. Nous avons l'ail. Bien sûr, ce n'est pas tout l'ail que vous prenez. Vous allez naturellement le casser. Je demande pardon à mes génies, ils n'aiment pas la saleté dans ce lieu sacré. Bien. Vous avez donc, voilà l'ail en entier. Voilà, l'ail est là. Donc, l'ail, il est indépendant. Et vous enlèverez également sa peau qui crache. Vous prendrez également une partie de l'oignon avec le couteau que vous allez couper, vous mélangez. Et vous prenez votre roche volcanique. Elle est au centre. D'accord? L'oignon, l'ail et la roche volcanique. N'oubliez pas que cette roche volcanique est partie de la concentration du créateur de l'univers pour créer tout l'univers. Et la création universelle s'est passée par une explosion énergétique. C'est pour cela, nous, en tant qu'initiés mystiques, nous disons que au commencement était l'énergie, car la matière provient de l'accumulation de l'énergie. La matière est venue à l'existence à cause de l'accumulation énergétique. Voilà pourquoi esprit, plutôt matière égale accumulation de l'énergie ou de l'esprit. Et si vous voyez l'arbre kabbalistique, hein, l'arbre de la Kabbale, on part d'où? Depuis l'élément 1, donc depuis 1 jusqu'à 10. 10, c'est l'accomplissement de 1, l'homme qui devient 1 avec le tout, avec le créateur. Mais avant que ça n'arrive à 10, on part de Keter. Keter, Bina, Hokma, Malkout. Ça fait 10, hein, si vous avez bien compté. D'accord? Premier triangle, il y a Keterbina, ça c'est le triangle supérieur que l'homme ne maîtrise pas, qui se trouve du domaine du mystique, du domaine du début de la création. Et donc même le Jésus des chrétiens avait dit que là, ça là, je ne maîtrise pas, moi-même l'air ni l'air, je ne connais pas, il n'y a que le papa lui-même. Donc, c'est là-bas le grand mystère de Dieu. Bon, mystère, mais quand vous allez vous initier, vous allez comprendre. Donc, c'est la sommité, c'est ça on appelle ça la triade supérieure. Cette triade supérieure, c'est le premier triangle, composé de trois. D'accord? C'est de là où vient tout le pouvoir avant de pouvoir se matérialiser. Mais tout est toujours esprit, tout est toujours spirituel. Après, Keter-Bina-Hokma, on vient maintenant où? Ah, on vient Ho, Keter-Bina-Hokma. Après, on vient Rebour. Quand on vient Rebour, Rebour, Yisse-Tiferet. Là, nous avons l'autre triangle qui se forme ici, de la droite vers la gauche. Pour venir au centre du cœur, Tiferet, l'expression même du deuxième triangle. Et vous voyez, ce triangle pointe vers le bas. Et ensuite, nous avons un troisième triangle, qui est celui qui part de Hod, Yesod, qui se concentre au niveau de votre pénis en connexion avec la lune. Ça, c'est le troisième triangle. Maintenant, une fois tous ces trois triangles ont exprimé leur volonté énergétique spirituelle par la manifestation sous couvert des pouvoirs délégatoires à travers les séphirotes. Ces séphirotes, ou centres d'énergie cosmique universelle divine, passent par les 12 planètes dans le plan, comment on appelle ça, au niveau de notre galaxie. Et là, je me concentre sur notre galaxie. C'est le même phénomène qui se reproduit dans les autres univers sous couvert d'autres galaxies. Voyez-vous? Mais là, je m'adresse à notre galaxie. Précisément à notre système solaire, lequel gravite, le Soleil gravite autour des 12 planètes, dont parfois certaines de ces planètes reçoivent le tour du Soleil après un certain nombre d'années, et voire même jusqu'à 300, 400 ans, ainsi de suite. Donc, ce mouvement rotatoire, toute la manifestation, tout ceci est toujours contrôlé par l'énergie, descend jusqu'à Malkout. Malkout, en langage hébraïque, veut dire tout simplement la Terre. Le royaume terrestre, la matérialité, la matérialisation de la grande force créatrice universelle, la manifestation réelle, la présence manifestée de l'âme universelle dans une âme individualisée, expressive. Voilà pourquoi j'ai expliqué dans mes enseignements, pardonnez-moi, il faut que je rentre dans cette grande théorie mystico-spirituelle afin que vous compreniez la fonctionnalité et le pourquoi des pouvoirs et de tout ce qu'on fait. Et surtout, quand je suis dans la magie pratique, je maîtrise ce qu'on appelle la talismanie pratique qui consiste à charger des éléments. Mais cette charge des éléments passe par une notion de la véritable connaissance transcendantale, transformatrice, descendante et ascendante des pouvoirs divins qui partent de Keter. L'origine de tout, la source de tout, ce qu'on appelle plus l'infini moins l'infini, mais ça vient de là-bas. Même les scientifiques ne peuvent pas vous expliquer. Donc, c'est des partants de là-bas, de cette triade supérieure. Donc, le triangle qui pointe vers le haut, et il y a une raison fondamentale, je pourrais te donner un autre enseignement la prochaine fois, qui explique pourquoi ce triangle-là est rivé vers le haut. Mais les triangles qui nous intéressent, c'est le tout premier qui part de Vibura, Tiferet, et l'autre de Hodnezah, finalité sur Yeshod, qui est en connexion avec la Lune. Parce que Yesod, c'est au niveau de notre appareil de reproduction. Et notre appareil de reproduction, c'est de là où l'existentialité manifeste de l'âme universelle va prendre essence et naissance. C'est-à-dire l'existence de l'être humain. C'est à partir de votre appareil de reproduction, lequel appareil de reproduction, par un contact du femelle, je vais le dire, de la femelle et du mâle, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils vont concourir à cette existentialité expressive de l'énergie originale qui vient de Tetamonga, sous pouvoir délégatoire par une âme désincarnée qui va pouvoir faire son entrée dans ce corps. Mais avant ce grand miracle, il y a la connexion du spermatozoïde qui va rentrer dans l'œuf de la femme. Tout ceci se passe au niveau de Yesod. Et c'est ainsi que l'être qui naît, voilà pourquoi il existe une science qu'on appelle L'astrologie, parce que l'astrologie, c'est l'étude des astres. Mais cette manifestation astrologique intense, c'est sous couvert de la Lune. Voilà pourquoi le comportement de l'homme a un rapport avec les mouvements de la Lune. Quand la Lune est pleine, et vous verrez que les gens ont des comportements bizarres. Et quand la Lune est au premier quartier, il y a certains rites qu'il faut faire. Mais pourquoi nous faisons ces rites? Mais parce que la manifestation au niveau des yesod, qui est en connexion avec la Lune et avec votre appareil génital, c'est là où la vie, en réalité, commence à avoir son essence matérielle manifestée. Pourquoi? Parce que Malkout, c'est la finalité. Et Malkout, c'est veut dire la matière, veut dire le royaume, veut dire le règne. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles ou pour l'éternité. Vous comprenez même que les religieux ont copié ça comme ça. Je suis allé trop loin, pardonnez-moi. On était où? Donc c'est ça. Il fallait que je vous explique tous ces phénomènes. Cette explication du phénomène est partie de ça, en réalité. C'est comme ça. Quand Tamanga a créé l'univers, il y a eu des explosions énergétiques. Mais c'est cette explosion énergétique qui a créé la manifestation manifeste matérielle. Donc, la matière que vous voyez vient de l'esprit. Voilà pourquoi. Quand on sort en vampire, là, je vais répondre à cette question-là, rapport avec les vampires et tout. Pardonnez-moi, je vais vous montrer la formule, ça ne va pas durer. Mais il faut que je développe ceci, parce que c'est un live en réalité qui n'était pas préparé. Donc, je suis libre de dire beaucoup de choses qui vous permettront de vous éduquer ce soir. Je vais vous entretenir au moins pendant 1 heure. Donc, profitez-en. Donc, la matière provient de quoi? De l'esprit. Voilà pourquoi. Bon, moi, à Bambi Mao, ça fait, j'en ai marre. Je suis toujours là. Négligé, et pourtant j'ai le grade de colonel à l'armée gabonaise. Mais c'est comment? C'est pas possible. Il me faut que je monte au grade de général. Et de général, même avant d'être général, je veux qu'on me donne un poste assez important. Mais tout ceci se passe dans ma tête. C'est-à-dire, c'est spirituel. Mais dans votre spiritualité, vous créez un phénomène qu'on appelle le phénomène de visualisation. Donc, vous visualisez à l'intérieur de votre être intérieur, sous couvert des corps psychiques qui sont classifiés sous divers niveaux, là je fais intervenir le corps mental. Donc votre corps mental, qui à l'intérieur il y a d'autres corps psychiques bien précis, se met dans un travail énorme de visualisation. Mais cette technicité et la haute technologie mystico-spirituelle est entre les mains de l'opérateur. Voilà pourquoi l'initiation que votre humble propose, c'est-à-dire que l'initiation douce. Mais cette initiation douce, justement, c'est cet apprentissage individuel, le développement de soi, qui passe par plusieurs méthodologies, yogiques, méditation, concentration, bilocation, sortie astrale. C'est que mes petits là continuent à dire que le vampire allait sortir du vent, bouffer du sang. Non, non, non, non, non. Donc, toutes ces études-là que vous faites, c'est ça que votre humble serviteur donne l'information et appelle, c'est en préparation. On aura, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire des cours en ligne? Bon, on va le faire, mais moi, je n'ai pas trop d'histoire, confiance, d'histoire des cours en ligne, là. Je préfère face à face. Donc, l'initiation douce, c'est ça. On vous arme de toutes ces connaissances, maintenant, vous passez à l'aspect pratique. Maintenant, pour une manifestation beaucoup plus efficace et beaucoup plus ponctuée, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, alors on passe à ce qu'on appelle l'initiation forte. Mais l'initiation forte veut dire quoi? Ça va bousculer votre corps. Voilà pourquoi quand vous partez manger le bois sacré, vous êtes bousculé, bousculé. Et j'ai vu des cas même des gens qui meurent. Mais parce que c'est l'initiation forte. Ah oui, initiation forte, votre âme est secouée, votre corps physique est secoué, votre corps astral est secoué, votre corps atmique est secoué, votre corps bouddhique est secoué, votre corps quoi? Divin secoué. Pour permettre cette connexion et réconciliation entre votre soi inférieur avec le soi supérieur, c'est-à-dire permettre la connexion de votre âme individuelle qui vous a été soufflée lors de la création. Alors, à la création, il est dit quelque part que et Dieu créa l'homme à son image. Et après avoir créé à l'image, ainsi, l'homme étant fabriqué, mais il fallait quelque chose pour pouvoir le faire fonctionner. Mais il fallait qu'il le mette en lui quelque chose pour exprimer justement sa divinité, pour exprimer cette âme universel que Tetamwanga pour exprimer cette ressemblance. Donc, c'est le souffle de vie qui n'est autre, comme je vous l'expliquais, la divinité qui a été mise en l'homme. Et c'est ainsi que l'homme s'est mis conscient, et il commençait à bouger, comme le disent les écrits, c'est pas moi. Hein. Et l'homme enfin commençait à prendre conscience, c'est-à-dire que l'homme était devenu maintenant conscient de son existentialité matérielle. Ce qui répond à la question de quelqu'un qui a dit, mais l'homme était où? Ah, où est-ce que l'homme se trouvait? L'homme était d'abord esprit. Il était esprit, il faisait une partie composante de l'esprit universel fondamental. Parce que nous sommes des particules dispersées de cet esprit fondamental. Oh, tétamouanga, je vous amène où? Pardon, revenons sur notre formule. Et rassurez-vous, je ne mange pas le bois sacré. Là, je suis sous l'inspiration. Vous voyez le tableau derrière là. Ce sont eux qui sont en train de m'essouffler trop de choses. Bien. Donc, nous avons notre ail. Vous avez le tissu, nous avons notre oignon. Nous avons donc cette roche volcanique, c'est-à-dire la pierre qui provient de la coulée magmatique des volcans. Lesquels volcans, souvenez-vous, qui se refroidissent à des millions d'années, mais qui résultent de la concentration énergétique de Tetamwanga, le créateur de l'univers. C'est comme ça la planète Terre a été créée. Ah, oui. Il y a eu un refroidissement de ces magmas à gauche et à droite et ça a créé finalement la Terre. D'accord? La planète Terre. Donc, nous avons fait ce mélange. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs domaines. Le premier domaine, prenons du domaine d'abord de la santé, donc de la nourriture. Vous faites votre petit déjeuner le matin, vous faites votre salade, vous faites quel que soit. N'oubliez jamais dans votre habitude alimentaire d'avoir l'ail. C'est très important. Et d'abord, il est important que quand vous vous réveillez le matin, après avoir brossé vos dents, après avoir mangé un fruit quelconque, nous considérons que ceci est considéré également comme un fruit dans la voie mystique spirituelle. Considérez l'ail désormais comme faisant partie de votre fruit matinal. Donc, quand vous allez faire votre composite des fruits, n'oubliez pas d'ajouter l'ail. Vous mettez l'ail. D'autres qui ont le courage comme moi, parce que je le mange, vous le mangez comme ça. Vous le mangez. Ça va piquer, mais ça là, ça va vous soigner de beaucoup de maladies, y compris Corona là que vous voyez là. Ça va vous soigner de beaucoup de maladies. Ça vous prévient de beaucoup de maladies. Donc, l'ail, à lui seul seulement, c'est un préventif contre la plupart des maladies cardiaques, des maladies du sang, maladies de ceci, et même des troubles du cerveau, et tout, et tout, et tout. Et toute maladie démentique, hein, c'est-à-dire les maladies liées avec la maladie de la folie, l'oignon là. Pourquoi la folie? Parce que la folie a deux raisons. Il y a la raison d'abord mécanico-biologique, physique, qui provient sûrement d'un abus de certaines drogues, de certaines substances, telles que la marijuana ou bien le mauvais tabac, le tampi tampi. Quand vous en abusez trop, ça peut faire disjoncter vos neurones. Or, les neurones, ce sont des transmetteurs d'électricité naturelle qui transmettent tous les messages à travers les cinq sens de votre corps. Donc, ces cinq sens qui sont goûter, toucher, ouïe, odorat, et lesquels, n'est-ce pas, peuvent être altérés ou peuvent être influencés par un apport abusif de certaines drogues dites fortes. C'est vrai que même le chanvre indien ou le cannabis ou le tampi-tampi n'est pas forcément une drogue trop forte comme comme on appelle ça, comme la cocaïne. Mais à quantité prise, avec un dosage, nous, au Bouiti, on utilise le chanvre indien. Pas dans les sensations quelconques. Non, nous l'utilisons pour certaines initiations clés. Conséquence, l'ail a cette vertu donc de vous permettre d'éviter les folies qui sont, ou encore renforcer la protection de votre système neuro-végétatif et votre système neuronique. Oh, tétamonga. Le système neuro-végétatif, c'est quoi? C'est l'ensemble des sept chakras ou centres énergétiques qui sont dans votre corps. Donc, votre âme récepteur s'est déjà activé. J'ai activé ça par le serpent appelé Kundalini, le serpent de feu, à travers le yoga qu'on appelle Kundalini Yoga. Ou le serpent de feu, ou le feu, ou le dragon. Dans le Tao, chez les Chinois, j'ai appris ça, mais on appelle ça là-bas le dragon. Donc, l'ail vous permet également de purifier vos chakras. Mais quand vos chakras sont purifiés, quel sorcier aura l'audace de venir vous pénétrer? Vous mangez votre ail, même la nuit avant de dormir. Écoutez, là je ne suis qu'à l'ail seulement, hein. On n'a pas encore fait le composite. Vous mangez votre ail, bien vous pouvez aller, vous mangez. C'est vrai que madame va se plaindre, mais elle va plus se plaindre au lit, parce que l'ail également, il y a quelqu'un qui nous a posé la question dans nos forums là. Oh maître, il y a un professeur indien, ben, j'ai dit vous là, hein. Parce que vous voyez les gens avec les longues barbes blanches, et ils sont là, le gourou indien, ça veut dire que ce sont les hommes les plus puissants. Qui vous a dit ça? Il raconte des choses, parfois ils se contredisent. Mais je vais le dire ici au public. Donc, ce professeur indien-là, bah, vous faites bien de venir me poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de moi dans les chaînes de télévision à gauche, à droite. Ces Indiens-là, ils sont combien? C'est les gens les deuxièmes peuplés. Ce sont les mêmes, c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Donc, c'est normal. Et quand ils viennent raconter leurs histoires, nous autres, là, on appelle le yoga. La plupart des gens, ils pensent que ce sont les plus grands sorciers. Savez-vous que quand je suis allé en Inde, vous savez ce qu'un Indien m'avait dit? Il dit, toi, tu viens chercher quoi ici? Le Gabon, c'est un grand centre mondial magique. Le Gabon a les plus grands pouvoirs du monde. Le pape en 1990, quand il arriva au Gabon, après les grandes crises, pourquoi il s'est mis à baiser le sol gabonais? Il se précipite, il s'est mis à embrasser ça. Vous savez pourquoi? Le commandant Cousteau, ce qu'il a vu là, les Indiens me l'ont dit. Vous venez vous précipiter pour prendre nos pouvoirs, vous cherchez quoi? Bref. Quand vous mangez l'oignon avant de dormir. Ah oui, pardon, revenons sur l'exemple là. Oui. Donc, la personne qui a posé la question dit non, ce professeur indien-là a dit que il faut proscrire. Donc, proscrire veut dire il ne faut plus manger trop d'oignons et l'ail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon. Ça concentre votre triangle inférieur. Ça va influencer votre triangle inférieur. Le triangle inférieur veut dire quoi? C'est Yesod là, non? Yesod. Le Yesod, c'est quoi? C'est le premier chakra qu'il faut réveiller, non? Le premier chakra, c'est où? Je vous avais expliqué ça. Quand vous faites la pratique du yoga, qu'on appelle Kundalini Yoga, dont le maître indien là est en train de dire que lui, il maîtrise ça. C'est vrai, il y aura des érections. Mais, dans la même pratique yogique, on nous dit, c'est pour cela, un véritable maître de yoga, il faut également maîtriser quelque chose qu'on appelle prana yoga. Tantra yoga, autant pour moi. Parce que le pranayama yoga, ça c'est le yoga mystico-spirituel, qui est le yoga de l'éveil de votre subconscient, en connexion avec le subconscient universel, pour que votre soi inférieur soit un avec le soi supérieur. D'où le nombre 10 favori que j'explique dans plusieurs enseignements. Alors, donc ils savent. Moi, j'ai fait le yoga depuis les années 78. On m'a appris ça. J'ai suivi des séminaires. Donc, quand vous faites le pranayama yoga, l'éveil de Kundalini, le serpent là, pour réveiller l'éveil des sept chakras, en même temps, il faudrait que vous appreniez l'autre yoga qu'on appelle Tantra Yoga. Le Tantra Yoga, Tantra, le yoga tantrique, Tantra, veut dire énergie brutale qui se réveille. Effectivement, quand vous vous mettez en érect, il y a une montée énergétique bizarre. Donc, quand le premier chakra se réveille, je l'explique, vous pouvez avoir des érections pendant 6 mois, 1 an, et ça va vous embêter. Alors, j'ai expliqué donc dans le forum que mais, si déjà ils savent que la montée de Kundalini, ça réveille l'autre. Mais maintenant, si l'oignon avec l'ail, il va réveiller l'autre. Mais vous appliquez la même technique de la maîtrise du Tantra Yoga. Donc, conséquence, je voulais dire ceci. Quand vous mangez trop d'oignons, effectivement, vous aurez toujours des fortes érections. Recette gratuite pour les hommes qui ont les problèmes de dysfonctionnement érectile. Coupez l'oignon, vous mettez dans une bouteille de whisky, vous mélangez cette bouteille de whisky-là avec le gingembre, avec l'oignon, et puis les feuilles de persil, vous laissez ça reposer pendant 4 jours. Donc, chaque soir, 1 heure avant de dormir, vous prenez une petite dose, vous buvez. Maman, ça va chauffer. Ça va chauffer à cause de qui? À cause de celui-là surtout. Parce que lui, c'est un ingrédient qui agit à près de 80% sur votre système neurovégétatif. D'accord? Donc, au niveau des chakras. Alors, quand vous allez manger, maman qui se plaint que ta bouche sent, mais là-bas, est-ce qu'il va se plaindre? Mais ça fait du bien pour elle, à cause de ça. Mais dans le plan mystique, aucun sorcier ne va vous approcher. Donc, juste pour votre information. Donc, vous avez pris l'oignon et l'ail dans vos aliments le matin, que ce soit votre petit déjeuner, ayez l'habitude de couper beaucoup d'oignons. Ayez l'habitude de couper beaucoup de l'ail. Maintenant, en dessous de votre salade ou en dessous de votre œuf, vous prenez ceci. Vous prenez votre roche volcanique, la pierre qui s'est dégagée du cerveau de Theta Mwanga, le créateur. Vous mettez ça donc en dessous de vos aliments. Vous couvrez vos aliments pendant 5 minutes. Couvrez le tout pendant 5 minutes en mettant ce sou en dessous. Vous couvrez. Vous tournez, vous tournez. Après, vous revenez pour manger ce que vous avez mangé. Je ne vous ai pas demandé de manger ça. J'ai seulement dit ça là. Vous mettez ça soit sous votre salade, soit sous votre omelette, soit sous votre bouillon. Et même dans la marmite quand vous préparez, vous mettez ça. Pourquoi? Parce que la roche volcanique renferme de plus de 1 million pour cent de pouvoir et de puissance et d'énergie. Ça là. Si je vous raconte n'importe quoi, googlez, faites aller chercher sur Google, vous qui aimez douter là. Faites des recherches un peu vous aussi. Quelles sont les vertus et quel est le pouvoir de la roche volcanique? C'est-à-dire le caillou volcanique, le caillou qui sort du marmont, surtout les pays où il y a machin. Demandez même aux volcans, wow, on les appelle comment? Les volcanologues. Pardonnez-moi, ma langue devient lourde pour le français. Renseignez-vous auprès des volcanologues. La volcanologie, c'est la science des volcans. Il faut vous expliquer. Combien d'énergie il y a dans une particule de cette petite roche volcanique? Vous allez être impressionné et je crois que vous allez m'emmerder. Monsieur Onoubié, oh, ici au Gabon, on n'a pas ça. Oh, pardon, envoyez-nous ça. Oh là là, voilà un bon business. Moi, je vais vous facturer 300 000 francs et je vous envoie ça. Ça là. Vous allez utiliser ça même pour 5 ans, pour combien d'années? Ça peut durer même 10 ans. Il y en a trop là. C'est près de 5 kilos, ça là. Donc, quand vous allez manger, vous mettez ça. Avant de manger, vous mettez ça sous vos aliments. Sous votre banane, sous votre manioc, vous laissez. Là, laissez ça. Sous votre poisson, vous laissez. Sous votre bouillon, vous mettez ça. Pourquoi? Parce que ça là, à lui seul, il dégage des énergies que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, toute cette somme d'énergie-là va donc rentrer comme ingrédient dans vos aliments. Et quand vous allez manger, ou même vous allez me dire hein, comment vous allez vous sentir. Et vous vous demandez, mais comment ce type-là, malgré son âge, il semble toujours en forme, il est comme un fou, il a trop d'énergie. Mes élèves-là, des karatés-là, mais comment mettre toi, c'est pas possible. Moi, je n'ai que 20 ans, comment tu me fais une prise, je ne comprends pas. Ça fait partie des secrets. La nature nous offre. Quand on est initié, il y a beaucoup de secrets à votre portée. Bref, oignon, ail, plus ça, sous vos aliments. C'est-à-dire que vous préparez normalement d'abord avec les oignons, tout. Maintenant, une fois que vous voulez vous servir sur votre repas, surtout pour la salade, surtout la salade, hein, tout ce qui est vert là. Oh là là. Une fois de plus, recette gratuite pour les hommes qui souffrent de dysfonctionnement érectile. Vous faites votre salade. Composez ça, vous mettez un peu de l'œuf, vous mettez un peu de tout, laitue, tout. Et ça, là, vous mettez ça en dessous. Je ne peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté au. Ça, là, j'ai expérimenté moi-même et je me regrettais à la fin. La pauvre, obligée de fuir à l'époque, obligée de fuir. Donc, ça, là, je parle de l'énergie de là-bas. Que l'Indien dit, oh non, toi, là, si tu manges trop l'oignon, c'est pas bon. Mais ça, eux, ils ont choisi de ne pas avoir des femmes dans leur vie, ça, c'est leur business. Mais même maintenant, ils enseignent le Tantra Yoga. Mais le Tantra Yoga, c'est le contrôle de l'énergie sexuelle. C'est pour vous permettre, justement, il y a des techniques mystiques que votre homme de serviteur maîtrise. Si vous mettez en érection régulièrement, au lieu d'aller gaspiller ça, aller attraper sida ou n'importe comment, alors il y a une technique qu'on appelle la technique de rétrogradation, c'est-à-dire de transfert de cette énergie sexuelle, la transférer vers votre corps mental, sous un autre corps psychique isolé. Pour créer le phénomène de télaudience et de télévoyance. Oh, ça, c'est encore un langage trop complexe. Pour dire tout simplement que votre propre énergie sexuelle peut être exploitée comme énergie spirituelle en vue d'explorer le monde de l'inconnu en développant en vous certaines qualités psychiques telles que la télévoyance ou la voyance, la télaudience ou phénomène d'écouter des voix de nos ancêtres, ce que nous, malencontreusement, on appelle en psychiatrie où je travaille, des histoires schizophrène en français, mais en anglais on appelle schizophrénique. Ça veut dire vous entendez des voix. Mais en réalité, les voix que vous entendez, c'est la voix des génies. C'est la voix des ancêtres. Il y a les gens qui le maîtrisent. Moi, je parle avec eux là où je vous parle. Des fois, je les écoute. Des fois, ce sont eux qui me parlent pendant que je vous parle. D'accord? Donc, cette pierre, ne manquez pas, vous mettez ça dans tous les aliments. Maintenant, ça, c'est dans les aliments. Deuxième aspect, vous pouvez fabriquer votre propre talisman. Ça, c'est ce qui intéresse tout le monde ce soir, n'est-ce pas? Alors, vous prendrez soit un parchemin animal, c'est-à-dire une peau de bête. Maintenant, nous qui sommes au Gabon, les gens dans le Bouiti, dans le Ndjembé, un peu partout, nous utilisons une petite bête qu'on appelle la civette. Ngomienewe Osingi. Chez le peuple Pinzi, on l'appelle Musingi. D'accord? Donc la civette, on trouve ça au Congo, on trouve ça au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et même au Centrafrique, il y en a partout. La civette. Cette peau-là, vous partez au marché de Mombouette, vous trouverez ça. Les gens, quand vous allez prendre ça, ils vont penser que vous allez prendre ça pour faire le bouti. Non, non, ce n'est pas forcément le bouti. Mais je vous conseillerais vous-même d'attraper une civette, parce que la peau ne doit pas être trop dure. Ça peut être la peau de civette. Donc, on vous parle d'une peau d'origine animale. Ce qu'on appelle un parchemin d'origine animale sur lequel on peut écrire des phrases. Soit vous prenez une peau d'origine végétale. Certaines peaux de certains arbres. Okay? Mais souvent, la plupart utilisent. Là, je vous parle de la fabrique de votre propre talisman. Donc, vous partez, il faudrait que la peau là soit souple. Pour ceux qui vivent dans les villages, ils peuvent facilement se taper leur peau là, les peaux qu'on utilise pour fabriquer les tam-tams chez nous. Donc, une fois que vous avez cette peau, vous prendrez donc l'oignon que vous avez découpé, vous découpez en quatre. Quatre, pourquoi? Parce qu'il y a quatre éléments, n'est-ce pas? L'air, le feu, l'eau et le feu. L'air, le feu, je voulais dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, ces quatre éléments, donc c'est pour ça qu'on coupe en quatre. D'accord? Maintenant, ça également, vous mettrez et vous prendrez l'oignon que vous couperez en quatre tranches. Bon, là, c'est difficile. Si vous comptez bien, une, deux, l'oignon en lui-même, avant de venir au noyau, il y en a combien? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, vous prendrez les quatre premières couches extérieures de l'oignon. Oui, de l'oignon. Et ces quatre-là, donc, vous coupez comme ça en quatre. Quatre. One, two, three, four, quatre. Donc, vous décorez le tout à l'endroit et au centre de votre oignon et au centre de la roche volcanique que vous avez mis sur le tissu. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez écrire le psaume de protection. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Mais moi, quand j'étais chrétien, là, mon psaume favori, c'était le psaume 91. D'accord? Vous allez écrire le psaume 91 sur le parchemin avec de l'encre noire. D'accord? Bon, dans la sorcellerie africaine originale, souvent on nous exigeait d'écrire avec votre propre sang. Ça faisait une grande protection très grave parce que votre sang, vous l'écrivez sur ce parchemin mélangé avec ces éléments-là. Quand le sorcier arrive là, il ne peut pas. Bon, je ne vais pas vous demander de prendre votre sang, de vous blesser. Ça, à moins que je sois avec vous, je peux vous expliquer comment vous blesser et appuyer pour prendre votre sang et écrire avec ce sang-là. D'accord? Mais pour le moment, ne le faites pas. Hein? D'accord. Donc, vous allez écrire avec de l'encre noire. Le psaume numéro 91, si vous êtes chrétien. Si vous êtes musulman, vous allez écrire l'évangile de Yacine. Okay? L'évangile de Jean. Vous allez écrire ça. Ou bien vous allez écrire une partie de la sourate de Al-Baqara. Là où on parle du pouvoir dominatoire de l'homme. Là où il est écrit qu'Allah donna la domination. Et chez les chrétiens également, on retrouve ça dans le livre de Genèse, je crois. Où on lui donnera toute domination et tout, tout, tout. D'accord? Ce verset-là du Coran, ou même chez les chrétiens, vous pouvez ajouter en dehors du psaume. Si vous ne prenez pas le psaume 91, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'efficacité, vous allez utiliser le livre de Genèse où il est dit que et Dieu donna toute domination et tout pouvoir à l'homme. Là, vous allez écrire ça. Alors, quand vous avez écrit, donc c'est dans le tissu, n'est-ce pas? Ou bien plutôt dans le parchemin, ou encore la peau de bête. Maintenant, vous prendrez une aiguille. Il vous faut une aiguille. Il vous faut le crin, le crin, le crin. Oh. Vous connaissez le crin avec lequel on pêche là. Moi, j'ai pêché dans le goué, le crin. Je ne parle pas de fil simple là. Non. Prenez le crin. Il vous faut le crin. Il vous faut une grosse aiguille. Accordez-moi une minute. Je vais chercher. Je vais vous montrer à quoi ressemble une grosse aiguille si je retrouve ça. Pardonnez-moi. Ok, pardonnez-moi. Donc, j'ai pu vous trouver. C'est très important, hein? Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'aurez pas besoin de marabout. Voilà. Là, j'ai une grosse aiguille. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Là, voilà. D'accord? Voilà une aiguille, une aiguille. Donc, il vous faut une aiguille comme ça, avec le crin. Alors, donc, vous mettrez. Vous mettrez donc le crin à l'intérieur de l'aiguille. OK? Voilà. Vous l'avez mis. C'est prêt. Voilà ce qu'il vous faut. Donc, vous avez le parchemin animal. Vous avez l'aiguille et le crin. Vous avez déjà réuni l'oignon découpé, l'ail, surtout l'ail, beaucoup plus d'ail découpé. Et une seule suffit. Une seule pierre, une roche volcanique. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, voilà la pièce maîtresse. Voici la pièce maîtresse. Donc, une fois que vous avez réuni le tout comme ça, vous faites maintenant ce qu'on appelle la technique de charge. La technique de charge. Rassurez-vous, je le fais. Mais je vais vous charger trop d'argent pour ça. Parce que ça va me consacrer beaucoup de temps. Il faudrait que vous fassiez ce rite de charge en lune montante, c'est-à-dire au premier quartier. Une fois que vous avez donc l'oignon, vous pouvez trouver ça n'importe où. La peau des bêtes, ce n'est pas facile, vous qui êtes en France, mais étant en France, je peux vous donner un réseau de communication, un réseau de distribution. J'ai des frères qui sont des prêtres dans des grandes confréries qui peuvent tranquillement vous commander ça au Congo, la peau de la civette là. On peut vous commander, mais il faudrait commander celle qui est souple. Maintenant, si vous-même vous avez des cabris, puisque les cabris vivants, il y en a en France, il y en a un peu partout, vous pouvez, quand vous tuez votre cabri là, hein, vous enlevez la peau, et une fois que vous avez cette peau, vous la séchez et vous la maintenez quand elle est souple, une fois bien séchée, alors vous faites le rite. Vous avez donc la peau de bête qui est là, vous avez tous les trois éléments qui sont là, vous avez votre aiguille, votre grosse aiguille avec du crin, et vous avez écrit les messages sur cette peau de bête. Ces messages, ça dépend de ce que vous voulez. Bon, moi, ce que je recommande, faites selon vos besoins. Mais comme aujourd'hui, je parlais de la protection, concentrez-vous sur la protection. Parce que je vous ai prévenu que le mois de janvier, là, ça va être le mois de décembre jusqu'en janvier. Au plus tard février, mon pays, le Gabon, là, il y aura des nouvelles têtes, il y aura des changements, il y a des bouleversements qui vont se passer. Donc, cette protection mystique, c'est mon cadeau des fins d'année que je vous donne. Très important. Maintenant, ceux qui sont au Gabon, ils savent, là, il faut trouver la civette. Il y en a, on vend ça partout. Vous qui êtes en France, ben, vous pouvez commander. Donc, tout est mis là. Vous écrivez le psaume 91 pour ceux qui sont chrétiens. Mais maintenant, ceux qui sont initiés, qui ne veulent pas entendre parler des histoires des chrétiens dedans, vous mettrez les noms d'au moins 8 ancêtres. Je répète, le nom d'au moins 8 ancêtres qui étaient des grands sorciers dans votre famille. 8 ancêtres. Partant de votre père jusqu'à arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, grand-père ou grand-mère. Mais en tout cas, vous prendrez soit du côté. Vous faites une sélection, vous vous renseignez auprès de vos parents. Moi, je connais tous les sorciers de ma famille, je les connais par cœur, je connais leur nom. Donc, si vous les connaissez, tant mieux. Vous allez écrire leur nom. Mais à chaque fois que vous allez écrire, voilà pourquoi on vous dit que ce rite-là, il faut beaucoup de privation. Ça doit se faire en lune montante. Et vous le faites dans votre temple. J'ai déjà expliqué aux gens comment fabriquer votre propre petit temple, ok? Ou tabernacle. Dès que vous citez le nom, vous prendrez le nom par exemple. Otorowoma. Vous pensez, c'est un nom que je prends, hein? Otorowoma. Ah! Ah, kakotorowoma. Ah ouais, le roro, Didi! Wapéri, Walowe péra quand matangani, Walowe dendro. Pardonnez-moi. Je parle d'un vieux qui avait le pouvoir de disparaître devant les balles. Quand on lui tirait dessus là, bam, les balles tombaient là. Ça, il n'était pas atteint. Donc voilà un grand sorcier. Vous parlez de son histoire sur le parchemin. Vous écrivez son nom et vous lui dites: je veux ta présence ici et maintenant pour ce talisman que je fabrique. Pour ce machin, ce respectacle, parce que là, je veux une grande protection. Je te cite, parce que tu as fait des prodiges. Après, vous parlez, vous parlez. Vous passez maintenant à la suivante. Madame Matsanga. Matsanga Odile. Matsanga Odile. Moi, j'ai appris que toi, au 18e siècle, mais pas, pardon, personne ne pouvait bouder avec toi. Les huiles, on te met au corps, rien. Tu rentres dans l'eau, tu disparais, tu restes là-bas une semaine et tu parles avec les génies des eaux, des mouilles de Mangondou. Tu parles avec les sirènes. Je te veux ici et maintenant. Vous citez tous les huit dans votre temple. Une fois vous avez fait ce travail dans votre temple, vous allez prendre tous ces parchemins que vous mettrez dans une petite cuvette blanche. Et avec cette cuvette blanche, vous vous habillerez tout en blanc. Vous irez à un endroit où il y a une rivière ou bien au bord de mer. Vous allez faire le récital encore des huit ancêtres-là. Je vous invoque que vous veniez. J'invoque les génies de la rivière ou des eaux. Donc, vous dites seulement les génies des eaux. Par exemple, moi, je parle de la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui sont à Libreville, il n'y a pas de rivière, sauf si vous partez vers un tombe là-bas. Si vous trouvez que c'est la mer qui vous convient, vous parlerez et vous dites, j'invite les génies des eaux. Et quand on dit les génies des eaux, ça peut être la mer, ça peut être la rivière. À quelle heure? Beaucoup me posent la question. Ce rite se fait généralement le soir entre 23h et 1h du matin. Vous chargez, vous chargez. Mais quand vous irez au bord de mer ou à la rivière, n'ayez pas peur, parce que ça va commencer à bouger fort. Vous devez amener avec vous une torche indigène. Maintenant, ceux qui sont en Europe, là, vous n'avez pas les torches indigènes. Vous pouvez allumer deux chandelles, donc les bougies divines, les grosses bougies, là. Il faut les allumer deux devant vous pendant que vous faites le rite. Et quand vous irez là-bas, en mer, à Marseille, ou bien je ne sais pas quelle autre ville qui est au bord de mer là-bas en France, vous allumerez tous les deux bougies là, entre 23h et 1h du matin. Je sais que les questions vont venir. Oh, mais toi, comment on va faire, toi, si les pays de blanc, là, les policiers vont nous arrêter. Bon, maintenant, je ne vous force pas. Ce rite s'adresse surtout à ceux qui sont au Gabon en ce moment. Je sais que les sorciers gabonais aussi en sont en train de me suivre. Ce n'est pas grave qu'ils en bénéficient. Donc, le rite, le remplissage là, est très important. Vous prendrez, je répète, huit noms des ancêtres qui étaient les plus puissants, que ce soit du côté de la mère, que ce soit du côté du père. C'est avec ces huit-là que vous allez charger leur nom dedans. Vous chargerez dans le parchemin. Une fois que vous avez chargé, le chargement dure au maximum une semaine, mais vous le faites en lune montante. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez fini le chargement entre 23h et 1h du matin. Et n'ayez pas de sexe, pas d'activité sexuelle. OK? Pendant cette semaine-là, ça dure de 3 à 7 jours en lune montante. Il n'y a pas un régime alimentaire exigé pour vous. Vous pouvez manger votre viande, vous pouvez manger l'essentiel, c'est de respecter la règle pour vous qui consiste à manger 4 heures ou 5 heures avant d'aller au lit. Maintenant, c'est à la fin des charges du 7e jour. D'accord? Là, je parle de ceux qui sont initiés, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus ou des histoires de Dieu là. Donc, cette règle s'applique également aux chrétiens qui peuvent utiliser le psaume 91 ou aux musulmans. Maintenant, vous avez fini de faire vos récitals là, des noms de psaume 91. Mais quand vous faites votre psaume 91, si vous êtes à l'aise de pouvoir mélanger, c'est à vous de choisir. Soit vous allez faire le rite ancestral, selon la tradition, en écrivant les noms de huit ancêtres. Ou bien, vous choisissez d'écrire votre psaume 91, ou bien avec le Genèse chapitre combien là. Mais quand vous faites le chapitre de Bible dedans, il n'y a pas des ancêtres qu'il faut invoquer. Le rite de ce que je vous dis là, ça, je préfère le faire à la manière traditionnelle. Donc, pardonnez-moi, ceux qui sont chrétiens. Donc, une fois que vous avez prononcé les noms, les huit là, que vous avez prononcé, maintenant, vous êtes au dernier jour, non? C'est en ce moment, vous fermez. Mais avant de fermer, vous vous blessez. Vous vous blessez vous-même. Et vous mettez deux gouttes de sang. Je dis bien deux gouttes de sang. Vous mettez dessus. Et vous crachez aussi deux fois dessus. Et après avoir craché dessus, vous faites le signe de la croix comme ceci. Le signe de la croix avec le souffle. Ce signe de la croix, c'est ceci. Et vous savez, au cours du séminaire, j'avais expliqué ce que c'est. Je ne vais pas l'expliquer en plein live. Je ne veux pas que les gens se fassent du mal. Je répète, le signe de cette croix que vous avez tracé avec votre souffle. Au centre. Voilà. Et vous dites mentalement. ce qu'il y a lieu de dire. Et ça, là, il faut me contacter en privé parce que je veux pas que les gens se fassent du mal. Demandez-moi en privé quelles sont les paroles que j'ai dites pendant qu'on trace avec votre souffle. Donc, une fois c'est fait, votre sang, vos salives et la tracée de ces cinq éléments-là, vous fermez. Vous fermez. Voilà. Et maintenant, vous commencez à faire votre travail de fabriquer vos talismans. Donc maintenant, vous êtes en train de coudre, non? Vous êtes en train de coudre. Vous coudre. Faut coudre. Vous êtes en train de coudre. Donc vous fermez là votre talisman. Vous le fermez. Tout autour, tout autour, tout autour. Avec l'intention que n'importe qui que ce soit, quel que soit le pouvoir, quiconque va vouloir me pénétrer, mon sang, ma salive, tous mes éléments, oh, tous mes génies sont ici. Vous parlez seulement comme ça du fond du cœur, vous faites, vous faites, vous faites. Et il ne faut pas être dérangé, oh. Rassurez-vous que même si quelqu'un frappe fort à la porte, n'ouvrez pas. Voilà, vous avez fini, le talisman est prêt. Une fois le talisman est prêt, là, vous le prendrez, vous le cacherez à l'entrée de la porte centrale, quelque part. Vous allez le cacher là. Fermé. C'est ni vu, ni connu. Maintenant, moi j'ai vu d'autres qui veulent fabriquer deux parce qu'ils voyagent beaucoup. Maintenant, vous allez faire, la prochaine fois, vous allez maintenant faire un autre cérémonial en suivant cette vidéo attentivement, de fabriquer le deuxième talisman. Mais cette fois-ci, ça là, vous allez le porter. Vous n'avez pas vu les Sénégalais et les Maliens. Ils ont toujours des trucs qu'ils portent là. Mais c'est fabriqué en base de quoi? C'est fabriqué à base de peau de bête. C'est ça ce qu'on appelle la talismanie. La talismanie pratique. Maintenant, si vous êtes incapable, si vous ne pouvez pas faire ça, bon, contactez-moi en privé. Mais je vous informe que je vais vous charger beaucoup d'argent. Si moi-même je vous fabrique ça, je vais vous demander au prix de 600 jusqu'à 800 000 francs CFA. Je ne vous cache pas, hein. Ça, c'est des risques que je vais prendre. C'est des risques. Parce que c'est mon sang que je vais mettre là. Ce ne sera pas le vôtre. Voilà pourquoi on vous exige de le faire vous-même. Moi, je vais mettre mon sang. Ça veut dire que ce sont mes entités qui vont être maintenant pour vous. Vous imaginez? Mais je vais juste vous demander des millions. Donc, voilà le fameux rite que je vous ai voulu vous donner gratuitement pour la fin de l'année. Avez-vous des questions? Est-ce que je vais même voir les questions ici là sur ce nouveau téléphone? Je ne sais pas. Avez-vous des questions? Pendant que vous réfléchissez pour me poser les questions, on va mettre la musique. Oh, Agnambi, le truc commence à mourir là. Oui. Comment ça? C'est pas normal ça. Avez-vous des questions? Je vous attends. Vous êtes nouveau. Qui vous a dit d'aller invoquer un ancêtre qui ne vous aimait pas? Abonnez-vous là-bas sur le forum. J'ai expliqué ça. Vous cherchez les palabres. Hein? Vous cherchez les problèmes. On n'invoque jamais un ancêtre qui ne vous aimait pas. Si déjà des sons vivants, vous ne vous entendiez pas, vous pensez que c'est là où il est là-bas, à la terre des opportunités, là où il a tous les pouvoirs, qui va répondre à vos appels? Non, non, non, non, non. Non, non, non. La réponse est non. Il ne faut pas dealer avec les ancêtres que vous n'aimiez pas. Des ancêtres qui étaient très puissants, qui ne vous aimaient pas. Mais d'abord, je vous ai dit de citer huit. Mais dans les huit là, mais demandez à votre grand-père de vous donner les noms de ses grands-pères. Parce qu'eux, ils n'avaient rien à voir avec vous. Donc forcément, ils vont vous aimer. Parce que vous, vous n'êtes pas liés. Mais si votre père ne vous aimait pas, votre mère ne vous aimait pas, maintenant, vous allez dire, non, moi, je vais dealer avec ces gens. Non, non, non, non, non. Ils ne viendront pas. Moi, c'est la mère en dehors de la. Il dit quoi là? Pourrait avoir les noms des revendeurs pour les pots de cabri en Europe. Oh, vous voulez les noms de quoi? Des revendeurs? Moi, je veux savoir quoi? Moi, je suis aux États-Unis. Comment je vous donne les noms des revendeurs en Europe? Ça va commencer comment? Les revendeurs de cabri? Je ne sais pas. Bon, moi, c'est la mer. En dehors de la mer, on ne peut pas le faire à la maison de 23 h à 1 h du matin. Moi, je suis face à la mer là. Bon, mais si toi, tu es face à la mer, mais c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez? Je n'ai pas demandé que vous négociez avec ce rite-là, mon Dieu. Ça, c'est un rite que mes entités m'ont donné dans la nuit d'hier. Oh, ce n'est pas dans un livre, hein, le truc que je viens de vous donner là. Ça, c'est un truc que les entités m'ont dit qu'il faut donner à cause de la situation de mon pays, le Gabon. Faire ça. Maintenant, vous venez encore pour négocier. Non, non, non, non, non. Il faut suivre ce qu'on vous a dit. Tate, pardon, faut pas m'embrouiller. Si nous faisons le talisman avec le psaume 91, il faut aussi aller au bord de mer avec les bougies. Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Vous pouvez le faire, oui. Pour la charge, doit-on aller le faire tous les jours? Hein? La charge, j'ai dit de le faire entre 3 à 7 jours. Mais pour la mesure de sécurité, faites-le pendant 7 jours. La charge se fait dans votre temple pendant 7 jours. J'espère que j'ai été clair. C'est l'invocation. À chaque fois, pendant que vous faites les charges, vous partez également faire les invocations, soit au bord de mer, que vous soyez chrétien ou pas. Mais c'est quand vous allez écrire. C'est quand vous allez écrire là. Si vous écrivez le psaume 91, en ce moment, vous n'allez pas invoquer les gens. Vous allez invoquer le psaume 91. Vous allez le répéter, le lire, le lire, le lire à chaque fois. Et de dire que Seigneur Dieu d'éternel, toi le Dieu des miracles, toi comme tu as protégé tel peuple, ceci, cela. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, maître, qui est véritablement le sauveur ouais, le sauveur, Tetan Zamba nous a envoyé Jésus. Hey, ça c'est encore un nouveau. Ah, Tarzan. Qui est? Alors, toi là, je ne sais pas. Qui est véritablement le sauveur que Tetan Zamba nous a envoyé? Les Blancs t'ont dit, ça c'est les Blancs qui disent que le véritable sauveur de l'homme c'est Jésus. Mais nous, chez les traditionalistes, on ne croit pas à ça. Non, ça n'a rien à voir. Révisez encore votre histoire de Jésus là. Ça c'est un credo religieux. Vous êtes nouveau, est-ce que vous êtes même abonné? J'explique, le phénomène est grégorique. Les religions fonctionnent sur des phénomènes égrégoriques. Égrégorique veut dire les gens qui ont créé la religion chrétienne, est-ce que vous les connaissez même? Ce sont les Romains qui ont créé la religion chrétienne. Et quand ils ont créé la religion chrétienne, ils ont fabriqué un personnage à travers un monsieur qu'on appelait Ptolémée Sauter. Moi, je répète toutes ces choses tous les jours. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas faire des recherches. Moi, je vois la personne, elle est au Congo. Mais allez-y, au Congo même. Monsieur Kimbangu, de son vivant. Lisez un peu les livres de Monsieur Kimbangu, quand même. Il y a des grands chercheurs que je respecte au Congo. Et leurs recherches, même les Blancs, ont accepté ça. Le comité de critique des littéraires ont donné des prix à ces mecs-là. Ils ont démontré par A plus B que Jésus était noir et que ce n'est pas Jésus que Dieu aurait envoyé pour sauver des gens. Ça, c'est une histoire qui a été fabriquée par des Romains. L'Église catholique apostolique romaine est une Église ayant pour but de coloniser, de dominer, de contrôler et d'avoir une emprise. À cause de quoi? Il faut d'abord lire l'histoire du monde. Le premier empire, c'était l'empire égyptien. Lorsque Tetamwang, lors du déluge que la Bible parle, mais nous, on appelle la disparition du continent de l'Atlantide. Après cette disparition du continent de l'Atlantide, Tetamwang, il enverra 12 fils. Mais dans les écrits égyptiens, on nous dira que Thoth enverra ses 12 enfants. Parmi ces 12 enfants, il y aura Isis, Osiris, il y aura Anubis, le grand initiateur, le dieu qu'on appelle le dieu faucon. Et ensuite, il y aura qui là? Il y aura Seth, celui que les Romains ont donné le nom de Satan le diable. Donc, la Bible que vous voyez est une compilation d'histoires bien fabriquées par nos parents romains, parce que l'Empire romain à l'époque, qui était, puis-je vous le rappeler selon l'histoire, premier empire, c'est l'empire égyptien. Et l'empire égyptien, il y a eu l'empire babylonien. De l'empire babylonien, il y a eu l'empire assyrien. De l'empire assyrien, il y a eu l'empire médo-perse. De l'empire médo-perse, nous avons eu l'empire romain. Et de l'empire romain, on a eu l'empire anglo-saxon. Et de l'empire anglo-saxon, nous sommes arrivés à l'empire onusien. Donc, je vous parle de combien là? Sept. Et là, nous avons aujourd'hui deux empires qui luttent. C'est là, nous sommes au huitième empire, entre les États-Unis d'Amérique et les États d'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne. Mais l'Union européenne est comme cette bête ancienne, vieille, qui avait été battue par l'empire anglo-saxon, c'est-à-dire l'empire romain. Donc, l'empire romain est l'image de l'Union européenne aujourd'hui, Allez-y me lire les écrits du prophète Nostradamus, Notre-Dame de Michel, qu'on appela Nostradamus. Allez-y lire ces écrits et ces écrits, ces chapitres, qui vont vous détailler l'historicité de ces histoires de religion, des histoires de bas Jésus. Pardon, votre question est trop profonde. Donc, en un mot, nous, on n'a rien à voir avec les histoires de bas Jésus. Nous, on suit la tradition telle léguée par Tétamouang, qui est véritablement le sauveur. Le véritable sauveur, ce n'est pas Jésus. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'être. Parce que dans le dogme chrétien, on va vous dire il faut passer par Jésus pour être sauvé. Le même Jésus dit non, le Père est plus grand que moi, parce qu'il y a des choses que lui connaît, moi je ne connais. Moi je parle de votre Jésus, là, des chrétiens. Qu'on vous dit qu'il était blanc. L'histoire de Jésus est une photocopie d'un homme appelé Horus. Horus qui était le fils né de manière miraculeuse selon le dogme de l'Immaculée Conception par sa mère qui avait l'âge de 12 ans et son père qui avait 40 ans, laquelle mère s'appelait Isis, 12 ans, 15 ans dit-on, et l'autre qui était le père qu'on appelait Osiris et dont l'histoire a été copiée, fabriquée et compilée en l'an 325 de notre ère. C'est l'Église catholique contrôlant le monde et ainsi de suite. Après cette Église catholique, qu'est-ce qui se passa? Au 15e, 16e siècle, les Allemands se rébellent et ce fut le premier mouvement qu'on appelle le protestantisme. Et du protestantisme, parce que tout était basé sur le mensonge. Et de là, nous avons, à partir du 18e, 19e siècle, d'autres sectes virent le jour. Les églises adventistes du 1er, du 2e jusqu'au 7e jour, du 7e ciel. Où voulez-vous que je vous amène? Allons-y, on continue. On peut utiliser la peau de chèvre. On trouve les peaux facilement à Paris. Oh, ben bien sûr. La peau de la chèvre, j'ai bien dit d'utiliser une peau de bête. Mais pour nous qui sommes initiés, je recommande d'utiliser la civette. Bon. Vous pouvez, oui. La peau de la chèvre, surtout qu'elle est souple, c'est bon. Vous la faites sécher. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour faire cette protection. Maître, le souhait de tous, c'est la protection personnelle. Existe-t-il un rite plus facile? Voilà. Vous cherchez trop les choses faciles dans la vie, mon frère. Le rite facile. Vous voulez les choses faciles? Vous pensez que ça, là, c'est compliqué? Ça, c'est, je vous signale que ça, c'est le truc le plus facile. Parce que si ce n'était pas facile, vous pensez que moi, je viendrais dépenser, gaspiller ma salive ici, là. On vous a dit que la magie, ça se vend en live? Ça, c'est un truc que je vous aide. Je prends mon temps pendant 1 heure et demie. Vous ne me payez rien. Je vous donne ça gratuitement pour votre. On appelle ça le cadeau de fin d'année. Ça, c'est des trucs que je vous dis. Quand j'étais au Gabon, je le faisais au Gabon, mais sous une autre forme. Mais ça, c'est un truc qui m'a été inspiré. Moi, je ne connaissais même pas ces histoires-là. Mais ce sont les entités qui m'ont parlé, qui m'ont dit, bon, voilà, tu as la roche du volcan, non? Oui. Ben, tu connais le secret de ça? Oui. Mais tu as l'oignon? Oui. Ceci? Oui. Voilà, fais ceci, fais cela. C'est ce que je vous dis. Je n'ai pas écrit ça quelque part. Ils sont là, ils m'inspirent. Donc, si vous me parlez d'un rite facile de protection, qui vous a dit que les sorciers, quand ils viennent, ils sont là pour venir trouver des trucs faciles? Il va venir vous calboigner, il peut passer par votre nourriture, il peut passer par votre copine, il peut passer par votre femme, ou bien certains parmi nous, pardonnez-moi, il y a les hommes qui ne restent jamais tranquilles. Ils ne peuvent pas rester sans avoir une femme, ou bien sans draguer la pauvre femme. Toi, tu vas venir draguer cette femme-là, et toi, tu crois que la protection, là, va marcher. Mais si tu tombes sur la femme de quelqu'un comme moi, tu vas venir draguer, maintenant, tu vas te retrouver calboigné, la chose là-bas tomber pour toujours, pour tout le reste de ta vie, impuissant, définitivement, ou bien avec des maux de tête qui vont te rendre fou, marcher maintenant nu dans les rues de Paris. Tu fais comment? Non! Il n'y a pas de protection simple, comme vous dites. Non, non, non, non. Quelle protection simple? Si vous voulez la protection simple, mais devenez un maître mystique. Parce qu'il n'y a que nous qui avons atteint le degré du troisième pouvoir. Je vous expliquais ce que c'est le troisième pouvoir. On n'a même pas besoin de ces histoires-là. Je n'ai pas besoin de Jésus, des Bibles ou quoi que ce soit, ou des protections. Parce que je siège au milieu du Dieu. Je suis au milieu des arcanes secrètes. Je siège comme un Dieu au milieu de Dieu. Selon Genèse, chapitre 2, du verset 7 jusqu'à 12, chapitre 3, le verset 22 et 24, pour ceux qui sont chrétiens. Et selon l'évangile de Yassine chez les musulmans. Et il y a même un verset, je crois, je ne me rappelle plus, la sourate et la hayat. Il dit, Allahumma salli Sayyidini Muhammadun wa Rasulullah. Allah Akbar, Alhamdulillah. Allahumma salli Sayyidini Muhammadun wa Rasulullah. Ça c'est un ayat magique très puissant que nous utilisons dans ce que nous appelons le soufisme. Je vous ai dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fus musulman. Abdurazak, c'est bon nom. Mais je suis rentré dans l'islam, c'est juste pour apprendre le côté mystique de l'islam, qu'on appelle le soufisme. Discutez avec les musulmans, ils vont vous dire ce que c'est le soufisme. Ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. Protection simple, comme vous dites, il faut être maître. Moi, je n'ai pas besoin d'invoquer qui que ce soit. Bien, on avance. Il y a Yeshua Horus et Yerushua. J'aimerais savoir qui est le vrai. Bon, oui, il faut lire, faut vous cultiver, papa, parce qu'on n'a pas le temps là. Je peux appeler à ma maman, le roi Maluango. Ok, bon, c'est quoi ça? Vous avez une fois parlé d'une bague en pierre volcanique, qu'elle nettoie les énergies et tout et tout. Oui, elle coûte, oui, ça dépend. Ça coûte à partir de 450 euros jusqu'à 5 000 euros. Ça dépend des métaux que vous voulez. Quand c'est en argent, maximum, c'est 3 000 euros. En parlant de talisman, si on parlait de la bague du roi Salomon. La bague du roi Salomon, vous voulez que je vous montre la formule, comment fabriquer ça ici? Vous savez que j'en avais une depuis 79 que mon grand-père m'avait donnée. La bague du roi Salomon, oui, je l'ai. Il y a même ce qu'on appelle la ventricule du roi Salomon. J'ai le livre, comment on fabrique les talismans selon la méthode du roi Salomon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ça? Vous pouvez la commander, oui, il y a des adresses, mais je ne sais pas. Moi, les adresses là, c'est mon grand-père. Ça, la vraie, vraie bague du roi Salomon en tant que telle, c'est ce qu'on vous vend là. Si quelqu'un vous vend des articles magiques en ligne, c'est un menteur. Les vrais articles ne se vendent jamais en ligne. Ça ne se fait jamais sur Internet. C'est faux. Ça se passe par deux voies. Par voie mystique, vous recevez ça dans votre chambre. Comme moi, j'ai reçu tout ce que j'ai avec moi là. C'est dans ma chambre que j'ai reçu ça. En dehors de ça, ça passe par voie recommandée, c'est-à-dire par EMS. Comme je le fais pour certains clients. Puisque je vous ai dit que j'ai réactivé mon compte, représentant mondial des temples de la haute magie hindoue. Voilà, la lettre est là. Là, on envoie par EMS. C'est EMS, c'est Express Mail Service, c'est-à-dire courrier accéléré. Il y a même cette EMS là au Gabon. On continue. Peut-on invoquer Horus comme les chrétiens invoquent leur Jésus? Si vous connaissez la formule de rentrer en communion avec Horus, j'ai le symbole que j'avais l'habitude de porter avant de porter ceci parce que les gens se plaignaient que c'est devenu chrétien. Qui vous a dit que c'était chrétien? C'est une croix en or, 24 carats, qui m'a coûté presque 3 millions. Ça a été travaillé par un grand maître égyptien où j'ai reçu le rite d'Isiris d'Isis. On vous explique, oui, il y a un rite de convocation d'Horus qui se fait à partir de minuit jusqu'à 2 h du matin. C'est tout un cérémonial. Donc, si vous le connaissez, oui, vous pouvez le faire. Mais si vous ne le connaissez pas, ne prenez pas de risques. J'aimerais savoir si nous, les peuples bantous, nous sommes le peuple élu, pourquoi nous sommes des Bekete, mais de tous ces barbares. Oh. Mais il faut vous initier, vous aussi. Vous prenez poser des questions d'ordre général, en même temps politique. C'est là que vous commencez trop à mélanger tout là. Pardon, moi, je suis devenu allergique aux questions comme ça. Vous voulez savoir si nous, le peuple bantou, nous sommes le peuple élu? Mais bien sûr, les 12 tribus d'Israël qu'on parle, ça n'a rien à voir avec Israël des Balans. Relisez encore la Bible, vous devez le savoir. Je ne suis pas le seul à venir vociférer et parler de ça ici. La barbarie, bon, je vais vous expliquer. Vous êtes nouveau? Il y a plein de. L'administratrice vient de me dire qu'elle est en train de faire l'inventaire là. Maintenant, je me retrouve à plus de 300 vidéos sur YouTube. Hein. Je ne parle pas des autres milliers de vidéos que j'ai ici sur Tétan Zambé, version Facebook. Ensuite, sur ma page Facebook, l'autre Facebook que les bandes de voyous là, certaines personnes mal intentionnées ont finalement piraté et j'ai décidé de désactiver ça. Il y avait plus de 4 000 abonnés là-bas. Il y avait des milliers de vidéos. Alors, je donne des enseignements dessus. Ce que vous appelez le peuple bantou, ce qu'on appelle le peuple fang, comment ils sont venus, les 12 tribus dont on parle, c'est qui, c'est quoi? Ces tribus, on les retrouve du Soudan jusqu'au Gabon en allant vers le Centrafrique. On les retrouve à aujourd'hui, on peut vous les tracer. On peut vous donner des documents authentiques. On peut vous montrer des fouilles archéologiques qui ont prouvé au niveau de l'Éthiopie et du Soudan, des temples souterrains qui ont plus de 12 000 ans d'histoire, qui ont existé avant l'histoire d'Égypte. Donc, le peuple bantou, naturellement, oui. Bon, maintenant, la barbarie, je vous dis, j'explique, je réponds à ces questions. La barbarie est tout simplement la jalousie du frère Balaam. Peut-on prendre une peau de mouton? J'ai dit oui, oh. Oui. Le mouton, cabri, je ne sais pas trop. On vous a dit peau d'animal. Bien. Vous voyez, j'allais même oublier les recettes que j'allais vous donner aujourd'hui. Je vais vous donner trois recettes. Les recettes de conduite, on appelle ça, les consignes. Première consigne, n'acceptez pas que quelqu'un vous tape à l'épaule. N'acceptez pas que quelqu'un vous tape à l'épaule. N'acceptez pas de serrer la main à quelqu'un. Quelle est la troisième? Les entités m'ont dit, j'ai pourtant trop de messages qui viennent, maintenant je n'ai même plus le temps de bien me concentrer. Oh. Voilà. Ne sortir que quand c'est nécessaire. Ne sortir que quand c'est nécessaire. Apprenez à vous enfermer chez vous pendant au moins 2 à 3 jours. Apprenez la loi du silence que j'ai toujours prêché depuis 3 ans pour ceux qui me connaissent sur Internet. Dimanche, lundi et jeudi, vous qui insistez là, vous m'appelez, vous m'écrivez. Mon pauvre fils est obligé de se débrouiller à répondre. On ne m'appelle pas, je ne parle pas les dimanches, les lundis et les jeudis. Je ne parle pas du tout. Je ne travaille même pas. Même au niveau du travail, si je parle, il y a des consignes même sur mon bureau. Je vous dis, même le gouverneur, monsieur le gouverneur, bon, ce n'est pas lui personnellement, mais au niveau de la direction générale du ministère public, du département de mental health, Ohio Department of Mental Health, ils connaissent monsieur Onouvier. Ils ne parlent pas ces 3 jours-là. C'est à cause de ça, j'ai pris, comment dis-je, dans mon contrat, je m'arrange à avoir mes 40 heures en fonction de toujours. Donc, ces jours-là, même si je vais au travail, je ne parle pas. Donc, je vous recommande d'essayer de faire des efforts, de respecter cette loi du silence. On appelle ça la loi du silence. Prenez au moins un jour dans la semaine ou 2 jours, vous ne parlez pas. Homme comme femme, parce que vous parlez un peu trop. Et quand vous parlez trop, vous donnez un peu trop d'informations et vous pouvez être atteint par les sorciers. Le sorcier profite de vous rentrer, c'est quand vous parlez. Dans les arts martiaux, on nous dit, lorsque tu attaques, c'est là où tu dois parler. Mais lorsque on t'attaque, tu ne dois point parler. Tu dois être en garde. Voyez-vous? Ça explose tout seul. Gardez le silence. Parce que tout est ici, dans le qui. Gardez tout. Donc, retenez ces 3 règles. N'acceptez pas que quelqu'un vous tape à l'épaule, surtout les femmes là. Beaucoup d'hommes ont un grand fétiche à la main droite. Et cette main droite-là, ce fétiche-là, ils ont ça. Il y a un parfum spécial. Je le fabrique également, je ne vous cache pas. Et c'est ce parfum-là, quand il le frotte, quand il sort là, quand il sent que tu lui fais toute la vie dure. Oh, mais maman, toi, comment tu me rends la vie dure comme ça? Il te tape à l'épaule. Que ce soit épaule droite, épaule gauche. N'acceptez pas! Si possible, crache-lui au visage s'il insiste. Et dites-lui ceci. Désarmez-le de son pouvoir. Tu oses venir me toucher à mon épaule parce que tu veux me faire ta sorcellerie? Et je te dis que c'est annulé. Parce que mes ancêtres ne l'accepteront pas. Et vous citerez le nom de vos ancêtres qui étaient les plus puissants. Voilà pourquoi je vous ai suggéré qu'il vous faut un deuxième talisman, celui que vous devez porter. Parce que quand vous avez ce talisman que vous avez travaillé selon les instructions que j'ai données ici, il peut vous toucher ou ne pas vous toucher. Mais néanmoins, n'acceptez pas. Ne serrez pas les mains des gens. Pour moi, c'est un règlement. Quand j'étais en France, les gens étaient étonnés. Je les ai avertis. J'ai dit, je ne serre pas les mains aux gens. C'est un comportement même avant que Corona ne vienne. Je ne serre pas les mains aux gens. Même monsieur le gouverneur, c'est-à-dire qui est l'équivalent du président de notre État, là. Il est venu nous rendre visite, là. Il nous a parlé des histoires des vaccins. Je vous en parle. Il a serré la main à tout le monde. Moi, je lui ai seulement baissé la tête comme ça. Hey, Mr. Gavin. Il a respecté cela. Mes chefs ne me serrent pas les mains. Ne serrez jamais, je dis bien jamais, les mains aux gens. Sauf si c'est votre mari ou votre femme avec qui vous avez une complicité. Quand je dis complicité, ça veut dire que le mari ne cache rien. La femme ne cache rien. Même votre soi-disant ami, s'il vous joue des tours derrière le dos, il va faire autre chose. Ce n'est plus un ami. Ce n'est plus un frère. Même votre propre frère du sang. Parce que je vous signale que le pouvoir n'a pas d'amis. Le pouvoir n'a pas de frère. Le pouvoir n'a pas de mère ni de père. Parce qu'il y a des gens qui deviennent fous quand ils sont à la recherche du pouvoir. Ils sont capables de vous tuer vous-même, votre propre frère. Son propre frère ou sa propre sœur. Donc faites très, très, très attention. Et je sais de quoi je parle. Ne serrez pas les mains aux gens. N'acceptez pas qu'on vous tape à l'épaule. Apprenez à rester chez vous pendant 2 ou 3 jours. Enfermez-vous. Faites vos rares. Si vous travaillez, dès que vous sortez du travail, restez chez vous. Ne mettez pas pied chez les gens n'importe comment. Ce sont des consignes qui m'ont été données par rapport au rite que je vous ai montré ce soir. Que Teta Mwangari Vanga vous bénisse. Je vous remercie une fois de plus de votre attention. Et puis, voilà, puisque vous n'avez plus de questions, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir veillé avec moi. Oh, Tati Nyambi, waouh! Minuit 48, bientôt 1 h du matin. Mais mon Dieu, il y a toujours plein du monde là qui me regarde. Vous avez fait l'ongozel avec moi. Hein? Si vous trouvez que le sujet de ce soir a été trop compliqué, posez-moi des questions en privé. D'accord? Posez-moi des questions en privé. Je vous pardonnerai et je vous épargnerai des 350 $ ou 300 €. Parce que souvenez-vous, hein, les consignes. Quand vous venez me poser des questions sur un enseignement que j'ai donné, et puis vous venez encore me poser des questions, je vous charge 300 €. Mais, puisque c'est l'enseignement d'aujourd'hui, je sais que ça a été un peu complexe, mais apparemment, ça a paru, c'est simple. Qu'est-ce qui vous paraît complexe là? Ce qui vous fait peur, quoi? C'est votre sang là que je demandais de déverser dedans. Donc, si vous voulez des questions sur ça, sur ce rituel seulement d'aujourd'hui, qui s'appelle le rite de protection, je vous épargne de 350 $. Maman Paul-Henri, je vais te communiquer tes informations tout à l'heure. Et notre maman du Gabon, elle me suit pour l'étude complète. J'ai un problème avec ton nom. Mais je vais t'appeler tout à l'heure parce que le nom là, les génies me disent toujours que non, le nom là n'est pas correct. Je ne sais pas. C'est pour cette raison jusqu'ici, je ne t'ai pas donné tes éléments. Je parle de la maman qui est, au Gabon. Elle se reconnaît. Celle qui m'a demandé l'étude complète là. Donc, ce n'est pas que je te néglige, mais c'est parce que ton nom, jusqu'ici, les entités me disent toujours non, il faut revoir le nom. Mais maman Paul, je suis avec toi. Ce soir, je te passe les infos parce que j'avais un petit problème là. Alors, voilà donc notre live de ce soir qui était une surprise. Merci d'être fidèle. J'espère que le rite, vous l'avez compris, ce n'est pas compliqué. D'accord? Vous allez le faire facilement. Il n'y a pas de problème. N'y aura pas de problème. Vous allez le faire facilement. D'accord. Donc, Teta Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Et que nous allons reprendre nos lives incessamment. Mais notre enseignement, l'importance du mariage traditionnel, pourquoi c'est sacré? Où vont les bénédictions? Pourquoi on ne donne pas les bénédictions? Pourquoi il y a certains beaux-parents qui refusent de donner la bénédiction à leur fille quand elle va en mariage? Pourquoi on demande la dot? À quoi sert cet argent de la dot qu'on vous demande? Quelles sont les pratiques occultes qu'on fait sur le vin de palme qu'on donne? Qu'on devait, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, l'argent que la belle famille reçoit, qu'est-ce qu'on doit dire sur cet argent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien vous, le mouroï là, qui allez épouser la jeune femme, quelles sont les paroles que vous devez dire sur l'argent que vous donnez là pour la dot? Je vous amène dans les grands mystères et les grands secrets du terroir de chez nous en Afrique. Nous en parlerons vendredi prochain ou jeudi. Je veux voir, là, je n'ai pas encore regardé mon calendrier. Mais c'est sûr que je vous dois cet enseignement. Mais je ne voulais pas vous laisser à la soif. La preuve, regardez, vous êtes une centaine de personnes à me regarder à l'heure là, mais mon Dieu, bientôt 1 h du matin. Merci d'avoir vraiment été avec moi et veillé avec moi. On appelle ça le Banja, comment on appelle ça encore, Jomboyen Mende. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.